partir, partir. N'y vois pas de calcul, juste une distance de recul. Je me laisse pantois, la machine à rebours ne vaut plus le détour de tête. Je voudrais rester comme je suis. Je suis, je suis, suis. Moi, de pas pouvoir te le dire par-dessus mon par-dessus tout. I love you, I love you. Je me mouille pas trop, et puis j'ai bonne mine de crayon noir, blanc et le gris en dedans d'être un chêne. Chêne, chienne, j'ai mon parapluie pour casser le vernis avant de nous survivre. Faudrait-il que l'on s'évite, et comment en rester là sans forcer le débat? Je voudrais rester comme je suis. Je suis, je suis, suis. Moi, ne pas pouvoir te le dire par-dessus mon par-dessus tout. I love you, ma avec un certain